بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on va continuer, inshallah, sur l'explication du livre de l'unicité de l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Donc dans la dernière allocution, dans le dernier cours, on avait appris le sens de don de deux noms sublimes, parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est As-Salam et Al-Mu'min. As-Salam et Al-Mu'min. Donc on avait évoqué le sens, hein, on avait explicité la signification du nom As-Salam, et on avait aussi expliqué la signification du nom Al-Mu'min. Et en l'occurrence, pour comprendre le nom Al-Mu'min, Cheikh Ibn Uthaymeen, dans son commentaire, nous a expliqué les deux sens sous-entendus par le nom Al-Mu'min. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen, lui, nous a expliqué deux sens ici à prendre en considération qui nous permettent de comprendre, justement, d'avoir une bonne conception concernant la signification du nom Al-Mu'min. Donc on a vu qu'il y avait un grand bienfait, un grand bénéfice, hein. Il y a un grand profit pour le musulman de connaître le sens de ces noms. Donc on avait appris certaines choses liées au nom As-Salam avec sa signification, et aussi concernant le nom Al-Mu'min. On avait dit que tous deux étaient des noms, faisaient partie des noms sublimes de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, on avait fait un rappel concernant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que Allah jalla wa ala nous a enseigné 99 noms parmi ces noms sublimes, et quiconque les retient par cœur, donc on a reçu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quiconque les retient et les apprend par cœur rentrera au paradis. Donc là, on a une cause aussi pour l'entrée au paradis, le fait d'apprendre ces noms-là, le fait de les apprendre par cœur, de les mémoriser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est une cause donc pour entrer au paradis. Et on avait dit que dans un autre énoncé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans une traduction relative, quiconque les dénombre, quiconque dénombre ces noms, c'est-à-dire ces 99 noms, alors cela est une cause pour l'entrée au paradis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui les retient par cœur rentrera au paradis. Et c'est pour cela que c'est très pertinent, et il était judicieux ici pour l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, dans son authentique, dans le livre de l'unicité, de mentionner des chapitres et des leçons concernant les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait dit que les savants ont expliqué, on avait fait un rappel sur ça, ont expliqué que le fait de retenir par cœur ou de mémoriser, d'apprendre les noms sublimes d'Allah, et que cela est la cause pour l'entrée au paradis, on avait dit que cela sous-entend le fait de les comprendre, le fait de comprendre ces noms-là, ça soit que ça ne soit pas juste une mémorisation, un apprentissage dénué de compréhension de tout sens. Il faut la compréhension des significations de ces noms et des sens de ces noms sublimes de notre Seigneur. Donc pour pouvoir les comprendre, donc les apprendre, et il faut aussi l'apprentissage pour la compréhension, comme on a dit précédemment, des significations de ces noms. Pour cela, dans l'assise dernière, dans le cours dernier, on avait bien expliqué le sens de ces noms, As-Salamu ou Al-Mu'min, qu'a mentionné l'imam al-Bukhari, l'auteur ici, dans son œuvre. Ces deux noms dont on a pu voir, hein, il a dédié un chapitre. Il a dédié un chapitre pour l'étude de ces deux noms, As-Salam ou Al-Mu'min. Ensuite, on avait terminé notre allocution, notre cours sur l'explication de la formule de At-Tashahud. La formule de At-Tashahud, puisque l'imam Al-Bukhari, ensuite, après avoir cité cette partie, la partie d'un verset où il y a la mention de certains noms, en l'occurrence le nom As-Salam ou Al-Mu'min d'Allah Jalla wa Ala, après avoir cité cette partie du verset et avoir fait la mention de ces deux noms, As-Salam ou Al-Mu'min, en guise d'intitulé ou de titre à ce chapitre, ensuite, l'imam Al-Bukhari a mentionné donc le hadith célèbre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il y a ici l'évocation de cette formule de at-tashahud. Donc ce tashahud, comme on a dit précédemment, qu'on fait, qu'on dit, qu'on formule à la deuxième unité de prière, donc à la première assise. Ensuite, lorsqu'on dit première assise, si c'est une prière en quatre unités, en quatre raka'at, ça serait la première assise de la deuxième raka'at, de la deuxième unité de prière. Donc à la fin de la deuxième unité de prière, on s'assoit et lorsqu'ensuite on lève le doigt, là on formule. On formule ce qu'on appelle at-tashahud. Ce qu'on appelle at-tashahud. Donc là, on a terminé notre cours d'hier en commençant à expliquer. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen, ici, dans son commentaire, nous explique ici l'essence de cette formule. Et on avait même terminé avec un rappel de Cheikh Ibn Uthaymeen, lorsque Cheikh dit que cela est très important, que lorsqu'on formule une chose, lorsqu'on invoque Allah, ou lorsqu'on évoque, ou on fait une formulation, comme celle-ci, c'est une sorte de formulation qui a des invocations, donc le tashahoud comprend et renferme des invocations. Alors, Cheikh nous avait fait un rappel disant qu'il est important pour celui qui formule et qui invoque de comprendre l'essence de ce qu'il dit, de comprendre les significations de ces formules qu'il prononce. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'on doit se rappeler cela, se remémorer ces sens-là, et donc le cœur doit être vivant et le cœur doit être présent lorsqu'on invoque Allah Jalla wa Ala. Surtout, par exemple, pendant la prière. Pendant la prière, vous avez vu, la prière, elle est composée d'invocations. Donc il y a beaucoup d'invocations, il y a des formules à dire. Donc il y a des récitations de versets, il y a l'évocation d'invocations, de dua, de ad'iya. Et pour cela, le croyant doit s'efforcer toujours de se remémorer l'essence et les significations de ce qu'il dit pour que le cœur ici soit présent. Donc il dit parfois, on se remémore les choses, parfois on a une absence. Les significations sont de ces paroles qu'on formule et qu'on prononce sont absentes, mais il dit il convient que ces significations-là, on se les remémore et qu'elles soient présentes. Donc on avait fait un rappel sur ça. Il y a plus forte raison, c'est pour cela qu'on les explique et on détaille bien les sens et les significations de ces formules-là. Pourquoi? Pour qu'on puisse justement faire ce que Cheikh nous dit, pour qu'on puisse justement se remémorer les significations de ces formules qu'on prononce. Parce que celui qui ne les apprend pas, dans le sens celui qui ne les comprend pas, il les mémorise seulement. Beaucoup de gens mémorisent des choses sans les comprendre. Et celui donc qui mémorise une chose ensuite, qui va formuler une chose qu'il a mémorisée, mais qui ne comprend pas le sens, il n'est pas comparable à celui qui a mémorisé avec la compréhension des significations et des sens de ce qu'il prononce. C'est pour cela que là, lorsqu'on a la compréhension de ce qu'on dit, lorsqu'on connaît les significations, on en a la connaissance, c'est là que le cœur est présent. Et c'est là que, là, ce n'est pas juste une présence physique, mais la présence physique est là, le corps est là et le cœur est là. C'est pour cela que dans une prière, lorsqu'on prie Allah Jalla wa Ala, lorsqu'on accomplit nos prières quotidiennes, il faut cette présence du corps, c'est-à-dire une présence physique, mais il faut la présence du cœur. Et il faut les adorations du cœur qui sont primordiales ici pour l'acceptation de cette prière et de cette adoration, comme la dévotion. Il faut une dévotion dans la prière, il faut de la concentration, de la vénération. Tout ça fait partie des adorations du cœur, comme la bonne intention, donc la sincérité, la dévotion, la concentration, ce qu'on appelle en arabe al-khushu' ou al-khashia. Donc dans la prière, il faut du khushu'. Et cela se fait justement avec la remémoration, le fait de se remémorer les sens et les significations de ce qu'on prononce. C'est pour cela que là, on insiste sur ça, sur la formule de at-tashahhud. Vous avez vu, on a commencé dans la dernière allocution, dans le dernier cours, on avait commencé à bien l'expliquer, à expliquer les termes, pour que celui qui prononce ensuite, celui qui a pris ce tashahhud, qu'on a dit qu'on fait à la deuxième unité de prière, donc deuxième unité de prière, ça serait, donc si c'est une prière en 4 rakat, comme on a dit, en 4 unités de prière, donc c'est la première assise. La deuxième unité de prière, donc dans la première assise de la prière. Si par exemple la prière se fait en deux unités, comme par exemple pour la prière de l'aube, la prière par exemple de al-Subh ou al-Fajr, par exemple, là, ou bien une prière surrogatoire à deux unités de prière composées de deux rakaat, donc à ce moment-là, la première assise de la deuxième rakaat, c'est la dernière assise aussi, puisqu'il y a deux rakaat. Donc là, on formule at-tashahhud et ensuite on fait les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc bien faire la distinction et la différence entre ce qu'on appelle at-tashahhud et les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est deux formules différentes et deux formulations différentes. Donc on a premièrement at-tashahhud qui se fait à la deuxième unité de prière, donc c'est pour la première assise. Donc c'est at-tashahhud. Et ensuite, à la dernière unité de prière, là, on rajoute les salutations sur le prophète ensemble. Donc, c'est une autre formulation, c'est une autre formule à dire. On la rajoute aussi à la dernière rakat, même si cette prière est composée de deux rakat, deux unités de prière. Donc, à la première assise de la deuxième rakat, si c'est la dernière rakat, donc après le tashahhud, on rajoutera cette formulation de salutations sur le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et pour bien comprendre ce tashahhud, qui est une obligation, donc c'est une obligation dans la prière, de sorte qu'il nous est rapporté que le prophète, sallam, l'est rapporté qu'un jour il l'avait oublié. Il avait oublié at-tashahhud, et de ce fait, le prophète, sallam, s'est prosterné deux fois à la fin de la prière. Il a fait ce qu'on appelle la prosternation de la distraction, sujud as-sahw. Et si le prophète, sallam, a fait ces deux prosternations, s'il s'est prosterné deux fois à la fin de la prière pour réparer ce manque, cela prouve que at-tashahhud, cette formulation qu'on est en train d'apprendre, est une obligation. C'est une obligation pour la prière. Donc celui qui faillit à cela, celui qui a manqué, ou bien qui a oublié de dire at-tashahhud, alors il doit se prosterner deux fois, faire ce qu'on appelle la prosternation de distraction pour corriger ce manque dans la prière. Donc nous, hier, dans la dernière allocution, dans le dernier cours, on était en train d'expliquer, on essayait de comprendre vraiment le sens de cette formulation. Et pourquoi l'imam al-Bukhari a mentionné ce hadith dans ce chapitre, alors que l'imam al-Bukhari a dédié ce chapitre pour les deux noms qu'on a cités précédemment, parmi les noms sublimes d'Allah, As-salamu al-mu'min. Assalamu al-mu'min. Vous avez pu constater que là, je les traduis plus. Pourquoi? Parce qu'on les a bien expliqués. Assalamu, maintenant on peut le comprendre en arabe. Et al-mu'min, maintenant on peut le comprendre en arabe aussi, puisqu'on les a expliqués. Et de ce fait, l'auteur ensuite a mentionné ce hadith-là concernant at-tashahhud. Pourquoi? Puisque au début du récit, le compagnon nous dit, alors que nous étions derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons dit assalamu ala Allah. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit que Allah, c'est as-salam. Donc, on avait appris, pour ça, dans les assises précédentes, on avait appris qu'on ne peut pas passer le salam à Allah de cette manière en disant as-salamu ala Allah, comme on le fait pour les créatures. Et on avait expliqué les raisons. Parce que les créatures ont besoin qu'Allah, jalla wa ala, garantisse leur préservation. Ont besoin qu'Allah, jalla wa ala, les préserve de tout mal. C'est pour ça qu'on avait dit que lorsqu'on passe As-salam, on dit As-salamu alaykoum, cette salutation sous-entend une invocation. On invoque Allah Jalla wa Ala en faveur de celui à qui on passe le salam. Le salam. Et de ce fait, Allah Jalla wa Ala, du fait qu'il est exempt de tout défaut et de toute forme d'imperfection, Allah Jalla wa Ala est exempt de toute diminution et manquement, donc on ne peut pas passer As-salam à Allah Jalla wa Ala de cette manière. Mais le prophète, As-salam, dans la formule de tashahhud, ensuite il leur a enseigné la formule de tashahhud, et là il y a la manière dont on peut saluer Allah, en disant At-tahiyatu lillah, At-tahiyatu lillah, Was-salawatu wa-t-tayyibat. Donc au sujet, à l'égard d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on le salue de cette manière. Donc le prophète, As-salam, nous apprend qu'en échange, Pour Allah Jalla wa'ala, son égard, on dit At-tahiyatu lillah, toutes les salutations appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, dans la sixième, on avait expliqué qu'est-ce qu'était At-tahiyat, ces formules de salutation. On avait dit que ce sont des formules indiquant le salut, la souveraineté et l'éternité. Et elles n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça At-tahiyat. At-tahiyat, d'une manière littérale, on traduira cela par des salutations. Ces salutations, on a dit, c'est des formulations. Lorsqu'on dit « At-tahiyatu lillah », les salutations n'appartiennent qu'à Allah. C'est-à-dire, ce sont des formules qui indiquent, on a dit, le salut, la souveraineté et l'éternité. Et comme on le dit, celles-ci n'appartiennent qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on avait dit que « As-salawat », ça englobe aussi bien les invocations que les prières. Ça englobe aussi bien les invocations que les prières. Pourquoi? Parce que as-salat, on avait dit, d'une manière linguistique, le sens linguistique de la prière, c'est l'invocation. C'est pour ça que la prière, la composante de la prière, parmi les composantes, il y a beaucoup d'invocations. Donc les invocations composent cette prière, dans le sens qu'elles font partie de cette prière. Ensuite, il y a d'autres choses aussi, mais les invocations, dans cette prière, il y a beaucoup d'invocations. Donc elles composent cette prière. Pour cette raison, on comprend mieux pourquoi les savants ont dit que le sens linguistique de la prière, donc ce sont les invocations. Donc le sens linguistique de la prière, c'est l'invocation, ça veut dire cela. Mais aussi, la prière, son sens plus général et global, ça comprend l'action, c'est-à-dire l'accomplissement de la prière, cette prière qui est connue et célèbre, le deuxième pilier de l'islam. En ce qui concerne, lorsqu'on dit as-salawatu ala nabi, as-salawatu lillah, en ce qui concerne les prières sur Allah, comme c'est dit dans At-tashahud, ça sous-entend et ça dénote aussi bien le sens linguistique que le sens général et global de la prière. Donc lorsqu'on dit les prières sont pour Allah, et bien ici ça englobe aussi bien les invocations que les prières. Donc toutes celles-ci n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite on avait dit at-tayyibat, at-tayyibat, on avait dit ce sont les mots purs et beaux. Et ceux-ci ne conviennent que pour Allah, que pour louer Allah subhanahu wa ta'ala. Et en dehors de ce qui ne convient pas à ces attributs par lesquels on salue, par exemple, les rois, comme on avait dit ici dans une explication. Donc ça, le fait de comprendre l'essence, donc ça c'était une révision de ce qu'on a appris hier, donc le fait de connaître l'essence, ça profite à tout le monde. Tout le monde en a son compte, pourquoi ? Tout le monde en a pour son compte, pourquoi ? Parce qu'aussi bien le débutant que celui, par exemple, qui ne l'a pas appris encore. Peut-être il y en a qui sont non arabophones et qui sont débutants, qui débutent et qui n'ont pas encore appris at-tashahhud comme il se doit. Alors c'est pour cela qu'on insiste sur at-tashahhud et on le répète pour que le débutant puisse l'apprendre. Pour qu'il puisse l'apprendre, puisque comme on l'a dit précédemment, dans les paroles précédentes, le tashahhud est une obligation dans la prière. Donc c'est une obligation de formuler ces salutations-là. Et donc le débutant, de ce fait, il peut apprendre, premièrement. Deuxièmement, celui qui l'a déjà appris. Celui qui l'a déjà appris, et peut-être certains l'ont déjà appris, mais ne connaissent pas réellement les significations de ces paroles et de cette formule. Et bien là, ça permet, à travers l'explication qu'on est en train de faire, qu'on est en train de traduire de Cheikh Ibn Uthaymeen, ça permet à celui qui l'avait appris, mais qui ne connaissait pas forcément tous les sens que renferme cette formule, et ben ça lui permet à présent de connaître l'essence et les significations de ces paroles. Et c'est ça ensuite qui nous aide à la concentration. Et beaucoup se posent la question, comment être concentré dans la prière? Et ça, c'est le fléau de chacun. Beaucoup de gens se plaignent de ça, de ne pas être assez concentré dans la prière. Pour ça, on a même un récit du prophète même qui nous dit qu'il y en a que de leur prière, ils ne vont ne récolter que, par exemple, le tiers de cette prière, ou bien le sixième de cette prière, mais ils n'auront pas la totalité de cette prière. Pourquoi ? Par manque de dévotion, de concentration, de présence. Il y en a, ils sont juste présents, comme on a dit, on avait déjà fait ce rappel, dans la prière, ils sont juste présents avec le corps, ils sont présents physiquement, mais il n'y a pas cette présence du cœur, il n'y a pas cette dévotion, cette concentration. Alors, c'est pour cela que beaucoup se plaignent de ne... Parfois, alors ils s'évadent pendant leur prière, parfois ils ne sont pas assez concentrés sur ce qu'ils disent. Et bien, ce qu'il y a dans la concentration, c'est de comprendre l'essence, tout simplement. Comprendre les significations de ce qu'on dit pour que ces paroles sortent vraiment et réellement et véritablement du cœur. Et pour cela, pour ceux qui l'ont déjà mémorisé, cette parole, et à chaque prière, il y en a à chaque prière qui disent at-tashahhud wa lillahi alhamd, ils l'ont appris. Mais par contre, il y en a beaucoup qui le disent même depuis des années, ça fait des années de prière qui disent et qui répètent cette formule de at-tashahhud, mais ne connaissent pas les sens. Beaucoup, si on les interroge, ils ne connaissent pas le sens de cela. Et bien là, c'est l'occasion, justement, de connaître les sens. Et ça, ça va nous aider à se concentrer dans la prière. Ça aide à la concentration. Et ça mène justement vers cette dévotion et cette concentration de connaître les sens. Et troisièmement, ça, c'est un rappel aussi pour celui qui est avancé. Pour celui qui, par exemple, l'a déjà appris, l'a mémorisé, et qui connaît les significations, qui a déjà appris le sens de cela, il comprend les sens de cela, et bien c'est un rappel pour lui. C'est un rappel avec cette explication de Cheikh Ibn Uthaymeen. Pour ça, j'ai dit que tout le monde tire profit et bénéfice de cette explication de At-Tashahhud. Aussi bien celui qui ne l'a pas appris, ça va l'aider à l'apprendre. Pour cela, on le répète. On le répète pour que celui qui ne l'a pas appris puisse l'apprendre. Celui qui l'a déjà appris, celui qui a un niveau au-dessus, qui l'a déjà appris, et ben ça lui permet d'apprendre l'essence à présent. Et celui qui connaît aussi bien la formulation et aussi bien l'essence, ça fait un rappel. Et le rappel est toujours bénéfique pour le croyant. Le croyant s'alimente, son cœur s'alimente de rappel. Donc le rappel n'est jamais perte, mais au contraire, le rappel est toujours bénéfique pour les croyants et les croyantes. Donc on avait dit, en terminant hier, en concluant la première partie de l'explication de Tashahhud, on avait dit donc la première partie de cette formule de Tashahhud est pour Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on avait dit que ces trois termes, donc je vais vous les répéter, At-tahiyyat, lillah, as-salawat wa at-tayyibat, que ces trois termes sont pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, après avoir mentionné ces trois termes, pour cela, il convenait de bien expliquer ces trois termes. Pour ça, c'est pertinent que Cheikh Ibn Uthaymeen nous les a expliqués. Ensuite, après l'explication de ces trois termes, at-tahiyyat, par exemple, at-tahiyyat wa as-salawat wa at-tayyibat. Ensuite, là, on commence les salutations pour le prophète. On salue le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand je dis les salutations, ne confondez pas, il faut faire la distinction avec ce qu'on appelle as-salawat ala nabi, c'est-à-dire cette deuxième formule qui est indépendante. Après le tashahhud, dans la dernière rak'at de la prière, dans la dernière unité de prière, on va évoquer une formule, on va dire une formule qu'on appelle as-salawat ala nabi, les salutations du prophète. Mais ça, c'est une formule indépendante. C'est une formule qui est indépendante, comme vous le savez. Là, on parle juste de cette partie du tashahhud. Dans la partie du tashahhud aussi, on salue le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, c'est la partie dédiée au prophète. Lorsqu'on dit « Assalamu alayka, ayyuhan nabi »« Assalamu alayka »« Salut à toi, ô prophète »« Salut à toi », donc je vous le traduis de manière littérale, « Salut à toi, ô prophète ». Donc hier, on s'était arrêté sur ça. Ensuite, donc on voit que salut à toi, on dit, au prophète. Et là, Cheikh Ibn Uthaymeen va insister sur une chose très importante. Il va dire donc, pour le prophète, alayhi salat wa salam, il y aura trois choses. Il y aura trois choses aussi mentionnées. Première chose, le salut. Donc, puisqu'on va dire salut à toi, au prophète, la miséricorde et la bénédiction. La miséricorde et la bénédiction. Et on voit que Cheikh Ibn Uthaymeen va faire un rappel, il dit on voit qu'Allah Jalla wa Ala a accordé cette miséricorde et cette bénédiction au prophète, sallam, puisqu'on voit là comment la prédication et l'appel du prophète, sallam, comment est-ce qu'il a été béni de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit à travers la propagation du message du prophète, sallam, dans le monde, on voit les paroles du prophète, ces paroles bénites qu'Allah a accordé une bénédiction. On voit comment ces paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont été propagées dans le monde. Les gens, jusqu'à aujourd'hui, 15 siècles après, apprennent et mémorisent les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en les expliquant, en essayant de comprendre les significations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit que là, aussi bien la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien ces paroles qui font partie de sa sunna et de sa tradition, comment elle a connu une acceptation dans de nombreuses contrées du monde, comment les musulmans ont préservé et protégé ces paroles. On a juste observé dans les premiers siècles de l'islam, comment les grands savants voyageaient, parcouraient toutes ces contrées, parcouraient des milliers de kilomètres. Hein. Parfois, il y a certains grands imams qui parcouraient des 5000, qui comptaient qui comptaient tout ce qu'ils avaient marché, tout ce parcours qu'ils avaient fait pour parcourir toutes ces contrées-là, des distances de parfois des milliers de kilomètres, comme certains le rapportent, des 5000 kilomètres, à la recherche de récits du prophète. Donc on voit dans les premières générations, par exemple, le grand travail qui a été fait, cet effort qui a été fait pour la préservation et la protection des paroles du prophète. Donc les savants voyageaient justement à la recherche, en quête de paroles et de faits et gestes, de traditions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc vraiment l'appel, la prédication, les paroles, les faits et gestes, les agissements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna, sa tradition. Tout cela a vraiment été béni de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on voit dans cette formule de tashahhud, on voit qu'il y a cette partie dédiée au prophète, où là, on salue le prophète, sallam, ensuite, on implore la bénédiction, ou plutôt d'abord la miséricorde d'Allah pour le prophète, et ensuite la bénédiction. Lorsqu'on dit Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il y a trois choses ici. Ensuite, on voit que l'imam al-Bukhari, wa ma akhrajahu l'imam al-Bukhari, radiallahu ta'ala an ibn Mas'udin, radiallahu ta'ala an, qala kunna naqul fi hayati nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, falamma mat, qulna assalamu ala nabiyyu. فهذا من اجتهاده رضي الله تعالى عنه لكنه اجتهاد مجانب للصواب كما قال شيخ العثيمين ثم قال والصواب أن نقول ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا السلام عليك أيها النبي ولم يقول إلا إذا مت فلم يستثني وقد روى الإمام مالك وقد روى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب الناس ويعلمهم التشهد فقال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته خطب بذلك في خلافته أي بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقاله بمحضر من الصحابة ولم ينكر علي أحد ولم ينكر عليه أحد وبهذا يكون قول ابن عباس أو قول عبد الله ابن مسعود وبهذا يكون قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كنا نقول من باب الاجتهاد الذي اجتهده رضي الله تعالى عنه ولكن الصواب ما دل عليه الحديث وما تحدث به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. Ensuite, Cheikh Moulay Thaymin maintenant va nous expliquer quelque chose de très important, une question liée au tashahhud. Et plus exactement concernant la formulation, dans le tashahhud, lorsqu'on dit Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, donc Assalamu alayka ayyuhan nabi. Plus exactement concernant la question, lorsqu'on dit Salut à toi au prophète, salut à toi au prophète. Donc vous avez vu, lorsqu'on dit de cette manière, on s'adresse, c'est comme si ici, c'est comme s'il y a cette manière de formuler ces salutations, lorsqu'on dit Salut à toi au prophète, c'est une manière de formuler. Et on a justement un énoncé tashahhud de Abdallah ibn Mas'ud, un compagnon, qui lui rapporte qu'il disait ensuite Assalamu ala nabi, Assalamu ala nabi, qui disait directement salut sur le prophète, salut sur le prophète. Donc on a un compagnon, lui, qui s'appelle Abdallah ibn Mas'ud, qui lui, dans sa formulation, il disait que lorsqu'il saluait le prophète, il disait Assalamu ala nabi. Que les salutations soient sur le prophète. Donc regardez la distinction qu'il y a entre la première formule, lorsqu'on dit que les salutations soient sur toi, au prophète d'Allah, et lorsqu'on dit que les salutations soient sur le prophète. Donc faites la distinction entre les deux. Je vous le répète, les deux manières de saluer le prophète, de dire que les salutations soient sur toi, au prophète, qui est la traduction Assalamu alayka ayyuhan nabi, ou de dire que les salutations soient sur le prophète. Et c'est pour cela que dans un autre hadith, et là, Cheikh Ibn Athamin va faire allusion à un autre récit où il y a la mention du tashahhud. Et c'est le hadith d'un autre compagnon, que c'est le compagnon Abdallah ibn Mas'ud. Lui, Abdallah ibn Mas'ud, lui, il rapporte, donc il a appris le tashahhud directement du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. En l'occurrence, vous allez voir que ce tashahhud, la formule de tashahhud qu'on prononce dans la prière, elle a été rapporté par différents compagnons. Donc ça, c'est ce qui rassure et c'est ce qui rajoute de l'authenticité du fait qu'il n'y a pas qu'un compagnon qui le rapporte, mais de nombreux compagnons, différents compagnons rapportent la formule de At-Tashahhud. Donc différents compagnons. Donc on a différents récits. En l'occurrence, on a le Tashahhud, comme on l'a dit précédemment, de Abdallah ibn Mas'ud. On a At-Tashahhud aussi de Ibn Abbas. On a At-Tashahhud de Ibn Umar, un autre compagnon aussi. On a Tashahhud qui nous est rapporté aussi, Abu Musa al-Ash'ari, ce compagnon aussi, rapporte aussi qu'il a prêté Tashahhud auprès du prophète ensemble. Donc vous voyez, différents compagnons rapportent le Tashahhud d'après le prophète ensemble. Donc on a différents compagnons qui nous confirment ici la véracité du Tashahhud. On a le Tashahhud aussi, le récit, le hadith de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. On a aussi le Tashahhud de Aïcha. Vous avez vu différents compagnons. Et pour plus de détails sur cela, vous pouvez vous référer au livre du grand savant al-Imam al-Albani, rahimahullah, dans son livre célèbre, la description de la prière du prophète, as-salam sifat salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et bien, lui, Cheikh al-Albani, dans son livre, il a mentionné toutes ces formes de tashahhud. Tous ses récits, il les a mentionnés. Donc ici, on a cité, par exemple, les six. Abdallah ibn Mas'ud, Abdallah ibn Abbas, Abdallah ibn Omar, Abu Musa al-Ash'ari, Omar ibn al-Khattab et Aïcha, radiallahu ta'ala anhum, ajma'in. Et Charles Albani les a tous mentionnés, il les a tous cités dans son livre. Après qu'on ait su cela, donc lui, Abdallah ibn Mas'ud, il rapporte, comme d'autres compagnons rapportent aussi. Il disait que le prophète sallam leur enseignait le tashahhud de la même manière qu'il nous enseignait une sourate du Coran. Donc ils avaient appris le tashahhud avec le prophète sallam, comme ils apprenaient auprès de lui le Coran. Donc le prophète leur enseignait le tashahhud comme il leur enseignait les sourates du Coran. Et là, ça dénote vraiment l'importance de ce tashahhud. Donc l'importance aussi de le comprendre. Sauf que Abdallah ibn Mas'ud, par rapport à d'autres récits, lui, il va rapporter une précision. Une précision que vous n'allez pas trouver dans toutes les versions et dans tous les récits. Lui, Abdallah ibn Mas'ud, va préciser une chose. Il va dire que lors du vivant du prophète, sallam, on disait As-salamu alayka ayyuhan nabi. Donc lorsqu'il faisait At-Tashahhud, qu'ils avaient appris auprès du prophète, sallam, il disait que lui, sa manière de saluer sur le prophète en disant salut à toi, ô prophète, il disait que ça, c'était lors du vivant du prophète, sallam, qui disait de cette manière. Mais ensuite, il précise, Abdallah ibn Mas'ud, que lorsque le prophète, sallam, décéda, après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, que les prières et la paix soient sur lui. Alors ensuite, il disait, nous disions, assalamu ala nabi, que le salut soit sur le prophète. Donc la différence de formulation du vivant du prophète, sallam, et après sa mort. Sur cette question-là, donc, certains savants de l'islam ont pris en considération cette précision de Abdallah ibn Mas'ud, en disant donc qu'après la mort du prophète, sallam, on dit « Assalamu ala nabi » que les salutations soient sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'autres savants ont considéré qu'il est permis de dire les deux manières. Du vivant ou après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on peut dire les deux manières après la mort du prophète. On peut dire aussi bien « Assalamu alayka ayyuhan nabi »« Salut à toi, au prophète » comme on peut dire directement « Salut au prophète » que les salutations soient sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent que telle manière est permise et l'autre manière aussi, elle est permise. Que les deux manières sont permises et qu'ici, Abdallah ibn Mas'ud, ce qu'il rapporte est une précision. Donc, c'est une chose. Ils vont stipuler qu'il ne rapporte pas de lui-même. Donc, ils vont dire que les deux manières sont permises et à faire. Lui, Cheikh Ibn Uthaymeen, a un autre avis. Lui, Cheikh Ibn Uthaymeen, fait partie de l'avis des savants qui considèrent que ce qui est prioritaire, c'est de prendre le hadith comme il a été énoncé. C'est-à-dire que le prophète l'a enseigné de cette manière. Le fait de dire « Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu » que les salutations soient sur toi au prophète. Lui, Cheikh Ibn Uthaymeen, est d'avis que c'est cette manière qu'il faut prendre en considération et c'est cette manière qui est prioritaire. Du fait qu'elle est rapportée dans le récit d'une manière claire et que le prophète l'a enseigné de cette manière. Et en ce qui concerne la précision de Abdallah ibn Mas'ud, il dit ça c'est un effort Il dit, c'est un effort personnel qu'a fait Abdallah ibn Mas'ud, le compagnon. Donc cet effort personnel, eh ben, lui revient. C'est un effort personnel qu'il a fait. Et donc cela lui revient. Sinon, il dit, le premier énoncé, comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a rapporté qu'il leur a enseigné, il dit que cela est prioritaire. C'est pour ça que Cheikh Ibn Athamin fait partie des savants de l'islam qui considèrent que ce qui est prioritaire, le plus juste, ce serait de dire, lorsqu'on s'est sur le prophète, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salut à toi, ô prophète. Pourquoi? Parce qu'il dit que le prophète, dans le hadith, lorsqu'il a enseigné cela, il n'a pas dit, vous dites cela de mon vivant, et si je meurs, vous dites autre chose. Donc il y aurait une exception après sa mort. Il dit donc, le prophète, lui-même, n'a pas fait de distinction de son vivant et après sa mort. Cela ne nous est pas rapporté de sa propre personne, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour appuyer son avis, Cheikh Ibn Athaymeen, il nous dit ici qu'il nous est rapporté dans Al-Muwatta. Donc Al-Muwatta, c'est un livre célèbre, c'est un recueil aussi, une compilation de récits du prophète qu'a fait Al-Imam Malik, le célèbre imam de la demeure de l'immigration, Al-Imam Malik ibn Anas, rahimahullah. Et il dit donc, il a recueilli, il rapporte un hadith avec bisanadin sahih, avec une chaîne de transmission qui est authentique. D'après le prince des croyants, Amir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala an. Donc dans ce récit, il est rapporté. Qu'est-ce qu'il est rapporté? Il est rapporté que pendant son khilafa, pendant son règne, Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala an, alors qu'il faisait le prêche, alors qu'il prêchait les gens, alors qu'il les sermonnait, alors khatab an-nas. Et pendant ce prêche, il est rapporté qu'il leur enseignait at-tashahhud. Et regardez, là, on a vraiment une précision qui est importante. C'est que, regardez, alors qu'il était calife, pendant son règne, Omar ibn al-Khattab, ce grand, parmi les plus grands compagnons du prophète, le deuxième meilleur compagnon et le deuxième meilleur de cette nation tout entière, eh bien, regardez, il enseignait at-tashahhud aux compagnons. Ce qui dénote ici éprouve l'importance du tashahhud. C'est donc un rappel pour nous, qu'en période de confinement, du fait que les gens soient chez soi, eh ben de l'apprendre, ce tashahhud, c'est pour ça qu'on insiste sur les significations et les sens, et sur les questions liées au tashahhud, de l'apprendre et enseignez-le à votre entourage, à vos proches, à vos enfants par exemple. Faire des assises avec les enfants et de leur enseigner at-tashahhud. Lorsqu'on fait at-tashahhud, quel est le sens des mots, apprendre et enseigner le sens des mots qui sont dans cette formule, dans la formulation du at-tashahhud. Lui-même, Omar ibn al-Khattab, donc il est rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik, que alors lorsqu'il sermonnait les gens, il leur enseignait at-tashahhud en pleine khutbah. Et il leur disait at-tahiyyatu lillah, donc la formule était At-tahiyyatu lillah wa salawat wa tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, Shir va nous dire que regardez, observez, hein, remarquez bien que Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife, lorsqu'il a sermonné les gens, il leur a enseigné donc le tashahhud et il a salué le prophète de cette manière. Assalamu alayka. Donc les salutations sur le prophète, elles étaient faites de cette manière. Salut à toi, ô prophète, et que la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur toi. Et Cheikh Ibn Athaymeen ici va insister sur un point. Il dit, si Omar ibn al-Khattab a dit cela pendant son règne, ça veut dire que c'était chronologiquement, hein, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc après la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il l'a dit en présence de compagnons. Donc ça a été formulé et enseigné en présence de compagnons. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du règne, à l'époque du khilafa de Omar ibn al-Khattab, il y avait de nombreux grands compagnons qui étaient toujours vivants. Et il dit, il nous est pas rapporté que l'un de ses compagnons aurait désapprouvé ou contredit ou corrigé le calife, Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a dit cela. C'est pour cela qu'il, Cheikh Ibn Athaymeen, considère, lui, que la précision de Abdallah ibn Mas'ud dans ce récit, c'est lié à son effort personnel, que le compagnon a fait un effort personnel. Sinon, il voit que le plus juste, c'est d'utiliser cela lorsqu'on salue le prophète, alayhi salatu wa salam. Donc ça, c'est un sujet où il y a eu ces avis qu'ont été donnés. Donc, comme j'ai dit précédemment, l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, qui considère que le plus juste est de saluer le prophète en disant Assalamu alaikum, ayyuha an-nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Et d'autres savants, eux, qui considèrent, c'est d'utiliser, après la mort du prophète, de dire Assalamu ala an-nabi. De dire comme ça, que les saluts soient sur le prophète. Mais beaucoup de savants ont dit que les deux sont permis. Les deux, dans tous les cas, sont permis. Ce qu'il faut, c'est saluer le prophète. On peut dire Assalamu alayka ayyuhan nabi, comme on peut dire Assalamu ala nabi. Les deux sont permis et il n'y a aucune interdiction en cela. Voilà, ça c'est une question importante liée au tashahhud. Après, Cheikh Ibn Uthaymeen ensuite nous dit, donc après qu'il ait expliqué que pour le prophète, il y a trois choses qui ont été demandées, c'est le salut, la miséricorde et la bénédiction. Le salut, Assalam, la miséricorde, Rahma, wa al-baraka, et les bénédictions. Et, ba'd dhalik, après cela, après les salutations sur le prophète, on dit Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Et à présent, on invoque en notre faveur et en faveur des croyants. Et plus précisément, les serviteurs vertueux. Donc regardez, et ça c'est très pertinent. D'abord, on a fait les salutations pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ces salutations étaient en faveur du prophète, sallam, avec une invocation concernant la miséricorde et la bénédiction d'Allah sallam, en faveur du prophète. Et à présent, maintenant, c'est là qu'on invoque en notre faveur et en faveur des croyants. C'est pour cela qu'on avait dit dans l'allocution précédente, que dans ce tashahhud, dans cette formulation, on peut la décomposer en trois parties. La première partie qui est pour Allah subhanahu wa ta'ala, cette deuxième partie en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans cette troisième partie, là, qui est en faveur, en notre faveur et en faveur des croyants. Et d'une manière plus précise, les serviteurs d'Allah jalla wa ala vertueux. Et donc, observez, là, essayez de constater de manière minutieuse ici, alors que la formule, beaucoup de gens la disent depuis des années. Donc parmi nous, il y a des gens qui dans leur prière, ils pratiquent la prière depuis des années, et ça fait des années qu'ils disent « at-tashahhud » dans leur prière, et peut-être que pour certains d'entre nous, ces points-là, le fait qu'il y ait d'abord, par exemple, les manières de faire at-tahiyyat, wa salawat, wa tayyibat, lillah, et que cela appartienne à Allah. Ensuite, qu'il y ait cette invocation concernant et en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, que ça soit en notre faveur et en faveur des croyants. Beaucoup de gens, malgré que ça fait des années qu'ils disent at-tashahhud, beaucoup n'avaient pas fait attention à cela. Ils ne s'étaient pas concentrés sur cela, n'avaient pas remarqué cette précision-là. Alors que cette formule, pour beaucoup, on la prononce et on la dit tous les jours, plusieurs fois par jour, et cela pour beaucoup depuis de nombreuses années, mais ces subtilités-là, elles ne nous étaient pas apparues. Et bien, Cheikh Ibn Uthaymeen va nous mentionner encore d'autres subtilités, encore d'autres précisions subtiles et minutieuses. Regardez, donc on a dit, donc on a d'abord le droit d'Allah, puis on a le droit du prophète, puis là, cette invocation en notre faveur. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen nous dit, Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihid. À partir du moment lorsque dans la formule on arrive, lorsqu'on va dire Assalamu alayna, en d'autres termes, que le salut soit sur nous, et comme on avait expliqué le terme Assalam, donc maintenant on peut rester sur le terme Assalam, si on l'a bien compris avec les précisions et le développé qu'on avait déjà mentionné dans les allocations précédentes. Donc Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihid. Et sur les serviteurs d'Allah, vertueux. Cheikh Ibn Uthaymeen nous dit dans l'explication, il nous dit jaa haqquna nahnu wa haqqullah muqaddam ala haqqina wa haqqur rasul muqaddam ala haqqina thumma haqquna ba'da dhalik idhan fa haqqu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alayna a'zamu min haqqi anfusina alayna wa haqqullah fawqa dhalik fa salamu alayna وعلى عباد الله الصالحين لما جاء الدعاء العام غير الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبدأ بأنفسنا. En explication, Cheikh nous dit alors, donc vient ensuite notre droit, C'est-à-dire, à partir du moment qu'on commence à invoquer dans la formule en notre faveur et en faveur des serviteurs d'Allah vertueux, donc en quelque sorte, vient notre droit. Donc il dit, Ja'a haqquna nahnu. À présent, notre droit est venu. Donc on invoque en notre faveur. Donc on a pu constater, regardez cette précision. Il a dit, on a d'abord fait prévaloir le droit d'Allah. Donc le prophète, dans l'enseignement de ce tashahhud, qu'est-ce qu'on apprend? D'abord, il y a le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a précédé tous les droits. Qui a aussi bien précédé le droit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il a précédé notre droit et le droit des serviteurs d'Allah vertueux. Donc on a d'abord le droit d'Allah, jalla dans cette formulation, dans le tashahhud, muqaddam ala haqqina, qui a prévalu, hein. Et ensuite, on a le droit du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit qu'ensuite, on a invoqué en faveur du prophète, sallam, lorsqu'on a dit assalamu. Donc ça concerne le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a invoqué en sa faveur. Donc on peut constater cette précision ici, subtile, que le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah, eh ben prévaut sur le nôtre. Prévaut sur le nôtre. Donc ensuite, après vient le droit de nos propres personnes. De nos propres personnes. Comme il dit, thumma haqquna ba'da dhalik. Idan, donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On constate ici une précision minutieuse que le droit du messager d'Allah prévaut et a devancé le droit de nos propres personnes. C'est-à-dire que il dit فَحَقُّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا أَعْظَمُ مِنْ حَقِّ أَنْفُسِنَا عَلَيْنَا. Ça voulait dire que on comprend bien à travers ce tashahhud qu'il y a une preuve que le droit du messager d'Allah passe avant même le droit de nos propres personnes. Donc on fait prévaloir et devancer le droit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur notre propre droit, sur nos propres personnes. Regardez cette précision qui est minutieuse. Wa haqqullah fawqa dhalik. Or, il dit, et le droit d'Allah est au-dessus de tout cela. Est au-dessus de ce qu'on vient de citer. Donc on comprend bien que le droit d'Allah est au-dessus de ce qu'on vient de mentionner. Il prévaut tous les droits. Ensuite, on a le droit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui prévaut le nôtre. Et ensuite, là, on invoque en notre faveur. Qu'est-ce que dit Shir ici? Il dit donc, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Donc, lorsqu'on dit que le salut soit sur nous et sur les serviteurs d'Allah vertueux, lamma ja'a ad-du'a al-'am. Donc, on voit lorsqu'il y a eu cette invocation générale, al-'am, global, ghayrul khass bi-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Après cette invocation spécifique et particulière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous avez vu, à présent, on invoque d'une manière générale. D'une manière générale. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à invoquer en notre faveur et pour les croyants d'une manière générale, pour les serviteurs d'Allah vertueux, on voit que cette invocation générale est venue après l'invocation particulière et précise, c'est-à-dire celle du prophète. Donc on a d'abord invoqué en faveur du prophète, et ça c'est ce qu'on appelle la spécifique et la particulière. Ensuite, là on invoque d'une manière générale en faveur de nos personnes. C'est pour cela que le prophète, comme c'est lui qui a enseigné cette manière de faire at-tashahhud, donc c'est lui qui a enseigné cette formulation, donc le prophète nous a enseigné. Après avoir invoqué en la faveur du prophète, sallam, là on invoque d'une manière générale, pour les croyants. Mais avant, regardez cette précision. Mais avant, lorsqu'on a commencé maintenant à invoquer pour les croyants d'une manière générale, le prophète nous a enseigné de commencer par nous-mêmes. De commencer par nos personnes. Et c'est pour cela que on commence à dire Assalamu alayna. Pour cela qu'on dit que le salut soit sur nous. Une traduction précise et littérale, on dit après avoir invoqué pour le prophète sallam et demandé le salut pour lui, la miséricorde et les bénédictions, on dit et que le salut soit sur nous-mêmes et sur les serviteurs d'Allah vertueux. Vous avez vu, on fait prévaloir d'abord ici sur nous-mêmes. D'abord nos personnes. Et ça, c'est une précision importante ici pour bien comprendre at-tashahhud. Vous avez vu, Peut-être que beaucoup parmi nous, ça fait des années qu'on l'a formule, ça fait des années qu'on l'a dit, mais on ne s'était pas arrêté sur cela et on n'avait pas remarqué ces précisions qui sont minutieuses, hein, et subtiles. Et ça, c'est important. Et vous allez voir que maintenant, lorsque la personne, après qu'il ait appris cela, il va faire sa prière, il va faire son tashahoud, si son cœur est présent et s'il se concentre et il essaie de méditer ce qu'il dit, il essaie de comprendre ce qu'il dit, alors s'il se remémore ces sens qu'on a appris à travers l'explication et le commentaire de Cheikh Ibn Uthaymeen, et nous on a essayé de vraiment d'être bref et être concis et résumer les enseignements de Cheikh Ibn Uthaymeen ici, vous allez voir que là, c'est plus pareil. Et là, ça change toute la donne. Ça change vraiment notre formulation là. Elle est faite avec compréhension. Compréhension des significations de ces mots. Et Cheikh Ibn Uthaymeen continue encore à nous donner d'autres précisions. Une précision qui est très importante ici, qui va vraiment nous faire comprendre certains sens. Ensuite, lorsqu'on demande et on invoque en notre faveur, ensuite on dit « Wa ala ibadillahi as-salihin ». Donc on invoque en faveur de tous les croyants. Et d'une manière plus particulière, pour et en faveur des serviteurs d'Allah vertueux et pieux. Alors, Cheikh, il nous donne une précision importante. Il dit, al-muradu bil-ibad huna al-ubudiyya. Ubudiyatu dhil. Ou, yaqul, al-muradu bil-ibad huna ubudiyatu al-dhul wal-khudu' al-shar'i. Lianna al-ubudiyya, ubudiyatana lillahi azza wa jal ala qismayni. Qisman ala qismayni. عبودية تتضمن الذل والخضوع الكوني وهذه عامة للإنسان والحيوان وكل شيء حتى الكفار عباد لله عز وجل كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وقال الشيخ وعبودية الظل والخضوع الشرعي القسم الثاني عبودية الظل والخضوع الشرعي وهذه خاصة بالمؤمنين ولهذا قيدت بقوله وعلى عباد الله الصالحين والصالح هو الذي صلح أمره ولم يعتري فساد بأن كان عمله خالصا لله متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتضمن هذا أن يقوم هذا العبد بحق الله وحق عباده ولهذا فسر بعضهم الصالحين بأنهم الذين قاموا بحق الله وحق عباده. Et là, c'est très pertinent ce que nous explique ici, cette précision que donne Cheikh Ibn Uthaymeen, que je vais vous traduire ici. Alors il nous dit, donc ce qui est voulu ici, lorsqu'on dit et on invoque en faveur des serviteurs d'Allah vertueux, lorsqu'on dit serviteurs d'Allah, on parle de ceux qui sont soumis à lui. Et là il va nous dire c'est la servitude, le sens de la servitude ici qui est sous-entendu dans le tashahhud et dans cette invocation, c'est la servitude qu'on appelle « ubudiyatun al-dhul »« ubudiyatun al-dhul wal-khudur » C'est la servitude d'humilité et de soumission légiférée. Donc c'est cette humilité, comprenez bien, c'est très important, c'est un point très important, c'est l'humilité et la soumission légiférée. C'est-à-dire c'est ceux qui ont adoré Allah avec toute humilité et soumission légiférée. Et là, ce sont donc les croyants. Ce sont donc les croyants. Pourquoi Cheikh Ibn Uthaymeen stipule bien cela? Pourquoi? Parce qu'il va nous dire que la servitude se divise en deux. Le fait des serviteurs d'Allah, cette servitude-là et cette soumission-là se divisent en deux. Donc il y a la servitude légiférée et on a la servitude qui est aussi une humilité et une soumission qui est universelle. Lorsqu'on dit une soumission et une humilité universelle, on fait bien la distinction donc entre la première catégorie qui est la légiférée et la deuxième catégorie qui est l'universelle. L'universel, c'est la générale, c'est celle qui est générale. Donc, elle englobe aussi bien les individus, les hommes, que les animaux. Aussi bien les hommes que les animaux. Et aussi bien les croyants que les non-croyants. Donc, les non-croyants aussi sont compris dans cette forme de servitude. Parce que dans, et ce qui prouve cela, c'est le verset 93 dans la sourate Maryam. Dans la sourate Maryam, observez bien le verset 93. Lorsqu'Allah nous dit une traduction relative, et certes, tous ceux qui sont dans les cieux ou sur terre viendront au miséricordieux en tant que serviteurs. En tant que serviteurs. Donc il est mentionné, in kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahmani abada. Donc tous ceux qui sont dans les cieux ou sur terre, d'une manière générale, il n'y a pas d'exception ici. Il est dit, kullu man fis samawati wal ard. Tous ceux qui sont, sans exception, la totalité de ceux qui peuplent, par exemple la terre, parmi les hommes et les animaux, viendront au miséricordieux Allah soumis. Ils viendront soumis d'une soumission universelle. C'est-à-dire que ce soit les animaux, que ce soit tous les hommes, croyants ou non-croyants, ils sont soumis à Allah Jalla wa'ala d'une manière générale. Par contre, on a la deuxième soumission. Et cette deuxième servitude qui est la servitude plus particulière, qui est la servitude légiférée. C'est cette soumission des croyants. Lorsqu'on dit les serviteurs vertueux, c'est-à-dire ce sont les serviteurs croyants. Donc ça, c'est la servitude particulière et précise. Et donc, dans ce verset, lorsqu'on invoque en faveur des serviteurs d'Allah Jalla wa'ala vertueux, vous comprenez bien, c'est en faveur de la deuxième catégorie. Ceux qui sont soumis à Allah Jalla wa'ala d'une manière légiférée. وَهَذِي خَصَّةٌ بِالْمُؤْمِنِينَ. Pour cela, Cheikh nous dit, cette invocation est particulière aux croyants. Donc elle est en faveur des croyants. De plus, Cheikh ici va nous expliquer un point très précis et très très important. Si on a compris à présent que cette invocation donc est en faveur de ceux qui se sont soumis d'une manière légiférée, ceux qui sont soumis et qui adorent Allah Jalla wa'ala avec dévotion, humilité, soumission, une servitude légiférée. Donc on a dit ça, c'est particulier et précis aux croyants. وَلِهَادَ قُيِّدَتْ. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que dans cette invocation, il a été précisé وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. On dit sur les serviteurs vertueux. Donc maintenant, une question va se poser. Chacun d'entre nous va se poser une question importante. Mais qui sont les serviteurs vertueux? C'est-à-dire, et ça c'est important qu'on le sache, parce que quand vous faites tashahoud, vous dites, donc vous implorez en votre faveur, alayna assalamu, alayna, donc faites les salutations, et vous implorez le salut et la paix en votre faveur, ensuite on avait bien expliqué ce terme, assalam, et en faveur des serviteurs vertueux. Donc qu'est-ce qu'un serviteur vertueux? Et ça c'est très important de le savoir. Qui sont ces serviteurs vertueux qui sont sous-entendus dans cette imploration et cette invocation? Et Cheikh Ibn Uthaymeen, pour ça, il va nous préciser, il va nous expliquer qui sont ces vertueux. Il dit donc, as-salihun, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est le pluriel de as-salih. As-salih. Ibad Allah, as-salihin, ici. As-salihin, donc, c'est le pluriel de salih. Was-salih, c'est quoi? Huwa alladhi saluha amru. Huwa alladhi صلح أمره ولم يعتري فساد بأن كان عمله خالصا لله متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et donc c'est celui qui est bon et c'est celui dont les œuvres sont bonnes. Ses œuvres n'ont pas été touchées et souillées par quelque forme de corruption. Donc il dit cette personne qui fait partie des vertueux, c'est les gens dont leur affaire est bonne. Saloha amru. Et il dit bi an kana amalu khalisan lillah, du fait que ses actions étaient sincères, étaient vouées sincèrement à Allah Jalla wa'ala. Il pratique des actions qui sont pures, purement vouées à son Seigneur et qui sont en conformité avec la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire des actions qui sont pures, lillah muttaba'an fihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qui suivent les enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc c'est ça le pieux. On comprend bien à travers les paroles de Cheikh Ibn Uthaymeen ici, du Shir, que le pieux c'est celui qui agit d'une manière que ses actions sont faites sincèrement, il est sincère et elles sont en concordance et en conformité avec les enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et il est soumis donc à Allah jalla wa ala d'une manière légiférée. ويتضمن هذا أن يقوم هذا العبد بحق الله وحق عباده. Et c'est pour cela que ça s'implique quoi? Ça implique quoi? Pour être soumis à Allah Jalla wa'ala d'une manière sincère et suivre le prophète, ça implique que d'abord on fait devancer le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a le droit aussi des serviteurs. Et regardez l'importance ici d'être bon envers les serviteurs et que les serviteurs d'Allah, tous les croyants ont un droit sur nous. C'est pour ça qu'on invoque hein, en leur faveur. وَلِهَادَ فَصَرَ بَعْضُمَ الصَّلِحِينَ بِأَنَّهُمَ الَّذِينَ قَامُوا بِحَقِّ اللَّهِ وَحَقُّ عِبَادِهِ. C'est pour ça, regardez, là, c'est vraiment une parole très très pertinente que Cheikh Ibn Athaymin nous enseigne ici. Il dit, c'est pour ça que certains spécialistes, commentateurs, hein, connaisseurs de ces sciences, d'une manière subtile, ont dit, et ils ont expliqué le terme salihin, le terme vertueux, as-salihin, en disant que as-salihin, c'est ceux qui accomplissent le droit d'Allah et le droit des autres, des serviteurs d'Allah. Regardez cette précision. Qui sont les pieux? Qui sont les vertueux de cette communauté? Ce sont ceux qui accomplissent le droit d'Allah et aussi le droit des vertueux. Et ça, c'est vraiment une précision très importante. Et ça, c'est vraiment des sens qui souvent nous échappent. Ces sens-là, ils nous échappent souvent. Et vous avez vu cette ni'ma, ce bienfait d'apprendre la science et la connaissance de cette religion. Donc, vous avez pu constater cette précision qui a toute son importance. Qui sont ces hommes pieux? Alors, les hommes vertueux, c'est ceux qui accomplissent le droit d'Allah et le droit des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie du bienfait de la science et de la compréhension et de l'apprentissage de la religion. Et c'est pour ça que celui qui apprend la religion, il est dans un bienfait que les gens autour de lui ne peuvent pas se rendre compte de ce bienfait. Celui vraiment qui jouit de ça, de l'apprentissage de la religion, il apprend, il essaie de comprendre sa religion. Yatlobelaim, il est en quête de savoir. Il est dans une nirma que même les gens ne peuvent pas se rendre compte et avoir la conception réelle de cette nirma que vit cette personne. C'est pour ça, à l'époque, les pieux prédécesseurs, tellement ils définissaient ce bienfait de la foi, lorsqu'on vit, le cœur est plein de foi, lorsque cette lumière a pénétré les cœurs des serviteurs, le fait d'apprendre cette religion, de la comprendre, la personne est tellement dans un bienfait, dans l'adoration d'Allah, qu'un grand imam à l'époque, il nous disait, « لو عرف الملوك وأبناء الملوك النعمة التي نحن فيها لجاهدون بالسيوف » Il disait, si les rois et les enfants des rois reconnaissaient, savaient le bienfait dans lequel on vit, alors ils nous combattraient avec les épées. Nous combattraient avec les épées. Vous savez tous que les rois sont souvent, on parle des rois injustes, hein, ils sont souvent décrits comme étant des gens qui s'accaparaient les biens du peuple. Donc ces gens-là, toujours ils s'accaparaient injustement le bien des peuples, et ils oppressaient les peuples. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit les oppresseurs et les tyrans s'accaparent injustement le bien des peuples. C'est pour cela que ce grand imam à l'époque, regardez cette parole vraiment réfléchie, il disait, si les rois et les enfants des rois savaient dans lequel bien on vit, dans cette ni'ma, ce bienfait dans lequel on est, alors ils nous combattraient avec l'épée pour nous prendre ce bien. Si vraiment ils se rendent compte du bien, c'est-à-dire que le croyant, la croyante, ils sont tellement dans un bien avec leur foi, avec leur hymen, que ceux qui ne vivent pas ça, ils peuvent pas comprendre ce bienfait dans lequel vous vivez. C'est pour cela qu'on voit que malgré tout, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ, par la grâce d'Allah, que malgré beaucoup de polémiques qui se font autour de l'islam, malgré beaucoup de polémiques qui se font autour des musulmans, qui se font autour de notre pratique, autour de la religion, malgré beaucoup de polémiques qui se font autour de la sunna et contre la sunna du messager d'Allah, contre la religion d'Allah, malgré beaucoup de polémiques qui se font sur la religion de l'islam et ces polémiques parfois qui touchent le livre d'Allah, ces paroles, ces critiques concernant le camp et le livre d'Allah, malgré tout ça, eh ben, ils n'ont pas réussi à perturber les musulmans. Les musulmans sincères et pieux, les musulmans vraiment pratiquants de cette religion et qui connaissent cette religion et qui sont attachés fermement à cette religion, ils n'ont pas réussi à les perturber avec ces polémiques. Ainsi, on voit que beaucoup de musulmans, malgré tous ces arguments, tous ces arguments mensongers, toutes ces fabulations, tous ces arguments qui sont vraiment mensongers, ces arguments fallacieux, on voit que ça n'a pas perturbé les musulmans. On voit que les musulmans n'ont pas été touchés par ça, ça les a pas secoués. Les musulmans sont fermes dans leur croyance, les musulmans sont fermes dans la pratique de leur religion. Les musulmans sont certains de la promesse de leur Seigneur. Ils n'ont aucun doute de cela. C'est pour ça que toutes ces polémiques, toutes ces critiques mensongères, tous ces arguments fallacieux, toutes ces fabulations contre les musulmans, on voit que ceux qui vivent à la lumière des enseignements du Coran et de la Sunna, ceux qui s'attachent fermement à cela et qui se cheminent sur le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ne sont pas touchés par cela. On voit qu'une partie, malheureusement, une partie de la communauté, certains musulmans parfois, sont faibles face à cela et sont imprégnés et sont influencés par ces fausses polémiques, par ces mensonges contre notre religion. On voit que certains ensuite ont du mal. On voit que ensuite certaines sœurs, lorsqu'il y a eu une polémique sur le voile, elles ont eu du mal. Elles ont commencé à essayer de se confiner un peu, de se cacher, de réduire leur hijab. Certains, peut-être même, ont été amenés à l'enlever. Ça, c'est celles qui ne jouissent pas de cela. C'est celles où encore elles y mènent. La croyance pure, le tawhid n'est pas encore ancré dans leur cœur. Elles n'ont pas encore cet attachement. Elles n'ont pas encore compris cette science-là et cette lumière-là. Sinon, ceux qui cheminent sur cela, ceux qui ont appris, ceux qui se sont attachés aux enseignements du prophète, aux recommandations d'Allah Jalla wa Ala et au rappel d'Allah dans le Coran, ces gens-là sont inébranlables. Vous voyez, et ils causent beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que on voit qu'ils sont inébranlables. Ils ne bougent pas. Cela ne les touche pas. Toutes ces polémiques et ces mensonges, comme on a dit précédemment, tous ces arguments fallacieux, toutes ces critiques fausses et mensongères contre le bien et la droiture, cela ne les touche pas. Pourquoi? Parce que ils jouissent, ils sont dans un bien. Ils sont dans un bien et ils sont tellement bien, ils vivent dans un bienfait que même les gens ne peuvent pas voir ce bienfait. Là, regardez cette parole qui est immense. لو عرف الملوك وابن الملوك النعمة التي نحن فيها لجاهدون بالسيوف. Les gens ne savent pas comment le croyant et la croyante vivent dans un bien. Ils sont vraiment heureux de leur religion, ils s'épanouissent avec l'apprentissage de la religion. Pour ça, on a une belle parole de Cheikh Ibn Taymiyyah, alors qu'Ibn Taymiyyah était éprouvé à son époque, alors qu'il vivait des persécutions. Il disait, quoi que fassent mes adversaires de moi, quoi qu'ils fassent, mon jardin est dans ma poitrine. Alors il disait, s'ils m'emprisonnent, c'est une solitude avec mon Seigneur. S'ils m'exilent, alors pour moi, c'est du tourisme vers l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et s'ils me tuent, je suis martyr. Regardez cette parole immense de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. C'est pour ça que cette science, sachez mes frères et mes sœurs, cette science est une libération intellectuelle. On a dit que cette religion, lorsqu'elle est venue, c'est une libération sur beaucoup de choses. Et à chaque fois qu'on pourrait faire, à chaque jour, à chaque allocution, parler d'une libération. Comment est-ce que l'islam a libéré les hommes? Et on avait cité beaucoup d'exemples de libération. Parmi la libération, comme l'islam nous libère de la dictature intellectuelle. Les musulmans ne sont pas dictés. Parce que sachez qu'en réalité, on vit dans une époque, on a déjà parlé avec la mondialisation, on voit que beaucoup de sociétés, en réalité, ont des projets de conspiration. Et en réalité, dans beaucoup de sociétés, même s'ils ne le disent pas, on vit dans des dictatures. Chaque État dicte une manière de vivre. Chaque État dicte une manière de voir les choses. Chaque État dicte une idée et une idéologie. C'est pour ça que les gens, sans le savoir, ils vivent dans une dictature. Et donc, ils sont dictés. C'est pour cela que toutes les idéologies et les pensées qui vont à l'encontre de cette dictature, alors elles seront réprouvées. Alors lui, le croyant, lui, il est libéré de cette dictature. Regardez, la majorité des gens aujourd'hui, face à cette mondialisation, regardez comment cette mondialisation et comment les sociétés sont devenues individualistes, comment les gens sont devenus matérialistes, on voit que lui, le musulman, n'est pas touché par ça. Pourquoi? Parce que notre religion nous appelle au contraire, justement. On ne doit pas devenir individualiste, que chacun pense à soi et chacun devient ensuite comme une personne sombre, on va dire, dans l'égoïsme. Donc l'égoïsme, dans beaucoup de sociétés, prime et prévaut sur les bonnes valeurs, justement, que nous inculque l'islam. Donc on voit que l'islam nous a libérés justement de ces dictatures, nous a libérés de la servitude, d'être soumis à l'argent ou au matériel, de devenir matérialiste. Mais le musulman, lui, reconnaît les bonnes valeurs. Et c'est comme cela qui est son jugement. Alors que le musulman, lui, voit tout ça, voit que la majorité des gens, en réalité, sont sous la servitude, sont esclaves d'une économie, sont esclaves d'un mode de vie, sont esclaves d'une idéologie, sont esclaves d'une croyance. En réalité, lui, le musulman, il est libre. Lui, le musulman, il est libre de penser. Et lui, le musulman, le croyant qui jouit de cette lumière-là, il voit qu'en réalité, les gens sont aveuglés. Et les gens vivent dans un coma. Et très peu de gens peuvent le voir, ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est les fruits et les conséquences de la lumière, de la science, de l'ilm et de la soumission à Allah, Jalla wa Ala. Celui qui est soumis à Allah, Jalla wa Ala, son cœur est vivant. Ceux qui ne sont pas soumis à Allah, Jalla wa Ala, qui se sont soumis à autre que lui, qui se sont soumis au bien, au matériel, à autre qu'Allah, qui se sont soumis à autre que lui, subhanahu wa ta'ala, alors eux, leur cœur est scellé. Ils ne peuvent pas déceler ces choses-là, ils ne peuvent pas voir ces choses-là. Donc Allah, Jalla wa Ala, avec cette religion, il nous a libérés justement de toutes ces formes de dictature, de cette dictature qui est intellectuelle. Et c'est pour ça qu'on voit que là, il y a des croyants dont leur foi est inébranlable. C'est pour ça qu'on a des sœurs face à la polémique contre le hijab. Leur foi, alhamdoulilah, était inébranlable. Elles s'attachent à leurs vêtements. Elles s'attachent au voile. Pourquoi? Parce qu'elles veulent plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça l'important. Et elles ne sont pas touchées par les critiques. Au contraire. Pour elles, le voile est une libération. Allah Jalla wa Ala les a libérés avec ce voile. Comme pour les frères et pour beaucoup de musulmans, le fait de pratiquer la sunnah, pour eux, c'est une libération. Et ils sont heureux d'être soumis à un Seigneur subhanahu wa ta'ala. Mais ces gens-là, il arrivera une époque où ils seront peu. Ces gens-là seront peu, puisque le prophète, dans un hadith, nous dit l'islam est venu étranger, il repartira étranger, et heureux soient les étrangers. C'est pour ça que ceux qui vont vraiment s'attacher comme ça à leur religion, ils vont se sortir étrangers. Comme on avait déjà dit dans d'autres allocutions, au sein de leur famille, au sein de leurs proches, au sein de la société dans laquelle ils vivent, ils vont se sentir étrangers. Mais le prophète nous dit, heureux soient ces étrangers. Donc ils seront peu. C'est pour ça que déjà à l'époque des pieux prédécesseurs, ils disaient, Laysa min al-ajab man halaka kayfa halaka walakin al-ajab man naja kayfa naja. C'est pas étonnant, celui qui a péri, comment est-ce qu'il a péri? Mais ce qui est étonnant, c'est celui qui a été sauvé, comment est-ce qu'il a été sauvé? Et surtout en notre époque, dans une époque-ci, où les gens, beaucoup de gens sont dans l'ignorance, ils vivent dans l'obscurantisme de l'ignorance. Et la science, justement, lorsqu'Allah nous comble de ce bienfait de la science est une lumière. Et on voit que le croyant, la croyante commence à revivre. C'est pour ça que celui qui pratique et comprend sa religion, celui qui comprend par exemple les noms d'Allah comme on les a étudiés, lui, il vit dans un bienfait que les gens ne peuvent pas concevoir ce bienfait-là. Le croyant va se sentir bien. Le croyant, même s'il est éprouvé, il va se sentir apaisé. Même si, par exemple, aujourd'hui, les croyants sont éprouvés, par exemple, et tout le monde, croyant ou non-croyant, le monde est éprouvé, une grande partie du monde est éprouvée avec cette épidémie, donc les gens sont confinés chez eux. Le croyant, lui, même s'il est éprouvé, il a un apaisement au fond de lui. Il est apaisé. Et lui, il va prendre cela comme une miséricorde. Et pour terminer, donc il faut saisir cette occasion, on a dit, en période de confinement, il faut s'approvisionner de savoir et de science, de cette lumière. Pourquoi? Parce que il y aura, et seul Allah le sait, un après, justement, confinement, si Allah le décrète, et là, il faudra pratiquer ce que le croyant a appris. C'est pour ça qu'il faut saisir cette occasion du confinement. Par exemple, pour l'éducation des enfants, enseignez-leur at-tashahhud, par exemple. Pour désormais, par exemple, des parents qui se plaignaient de la fréquentation de leurs enfants aujourd'hui, alhamdoulilah, leurs enfants sont chez eux, avec eux, ils peuvent profiter de ce temps pour leur enseigner les noms d'Allah, la signification des noms d'Allah, pour leur enseigner, par exemple, ce qu'on a appris là, at-tashahhud. Et de ce fait, ce confinement deviendra un bien. فنحمد الله جل وعلا على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الاستقامة. فالله جل وعلا هو الذي حبب إلينا الإيمان. الله جل وعلا هو الذي حبب إلينا الاستقامة. فالله جل وعلا هو الذي حبب إلينا الإسلام والإيمان والاستقامة. والاستسلام له بالدين. فالله جل وعلا هو الذي حبب إلينا عبادته، الله جل وعلا هو الذي حبب إلينا التوحيد. فنحمده جل وعلا ونسأله المزيد، نسأله جل وعلا المزيد من فضله، وأن يجعلنا من أهل العلم، وأن يجعلكم من أهل العلم، وأن يجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة. كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا جميعا، أن يغفر لنا جميعا لنا الذنوب، أن يغفر لنا الذنوب جميعا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.